Alors, bonjour à tous, on est Éducation Populaire sur la place et on va commencer aujourd'hui une journée, enfin une après-midi thématique autour de la violence faite aux femmes avec différentes interventions, dont une première intervention de la commission Accueil et Sérénité. Joséphine de la commission Accueil et Sérénité qui va venir nous parler de son expérience de ces questions de violence en tant que voilà, mobilisée dans cette commission depuis un certain temps, un certain nombre de semaines, j'imagine. Voilà, bah, Joséphine, je te laisse la parole. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, hein, c'est un échange ouvert à tous, vous pouvez n'hésitez pas, ou des réactions hein, sur ces. N'hésitez pas à intervenir, vous levez la main, on vous passe le micro et voilà. Donc bonjour à tous. Donc moi je fais partie de la commission je fais partie de la commission Accueil et Sérénité et en gros on est là pour que la place soit un espace safe pour tout le monde, les hommes, les femmes, les personnes non binaires. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup encore de violences faites aux femmes sur cette place. On a eu une réunion il y a 2, 3 semaines, quelque chose comme ça, avec pour une veille antisexiste, quelque chose qui n'a pas vraiment marché. Moi, j'étais à cette réunion-là, c'est pour ça que je suis allée à la Sérénité. Et finalement, j'ai fini par intégrer la Sérénité en tant que féministe et en tant que personne ayant envie de faire de la place un espace safe. Après, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est que souvent, quand on parle de violence, on voit quelque chose de. Bah, de Voilà, on voit quelque chose de très physique, de très brutal, et la plupart du temps, c'est pas le cas. Ça peut être des camarades qui font des remarques déplacées, qui font des avances un peu trop poussées, qui peuvent harceler. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu trop alcoolisé ou qui a pris des substances et qui va venir vous emmerder. Mais c'est une minorité en fait sur la place. C'est les seuls qu'on peut remarquer. Et pour ce qui est ben, des violences. D'autres formes de violence, on ne sait pas vraiment comment réagir et on essaie au maximum de dire aux personnes qu'il faut venir nous voir si jamais on ne se sent pas en sécurité, sans se sentir forcément menacé physiquement, mais déjà mentalement, ce serait vraiment quelque chose. Et je pense que le message ne passe pas assez, donc il faudrait, voilà, il faut faire le tour des commissions pour en parler, pour le dire, parce que c'est vraiment important. J'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup énervée, notamment à la tribune, parce qu'on a souvent 2 personnes à la tribune pour surveiller le matériel et ce genre de choses. Et en tant que féministe, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, trop de propos sexistes et très stigmatisants envers les femmes, et qui sont au fond très insécurisants pour les personnes qui peuvent entendre et qui sont dans l'AG, qui sont des femmes. Et ça peut devenir très vite insécurisant. Enfin, j'ai un exemple en tête parce que ça m'a vraiment marqué. C'est quelqu'un qui débarque pour un petit peu crier son indignation et qui dit « Oui, les femmes, on vous voit, vous êtes là, vous nous écoutez, vous fumez, vous venez pas parler. » Et c'est extrêmement violent, je trouve, parce que bah, si on vient pas parler, c'est peut-être pas parce qu'on n'a pas d'idée ou qu'on n'en a pas envie, parce qu'on est intelligente et on le sait. C'est juste que bah, on a l'habitude que quand on ouvre la bouche, et on se fait lyncher, ça paraît moins important. Et à chaque fois que j'ai entendu des personnes se faire huer en AG, c'était des femmes, bizarrement, ou alors des personnes totalement alcoolisées qui disaient n'importe quoi. Mais quand une personne avait des propos plutôt intelligents, souvent, ces femmes-là se faisaient huer pour X ou Y raison. Et j'ai entendu des choses du style hystérique, etc. Donc, nous, on est là juste pour surveiller que l'AG se passe bien. Mais j'aimerais bien que l'AG se passe sereinement aussi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de violence verbale. Et au niveau où on peut intervenir, il faudrait peut-être qu'on en parle avec les modérateurs et avec les personnes qui donnent les tours de parole à l'AG, parce que je pense que c'est un réel problème, et c'est pour ça qu'il y a, je vais pas dire peu de femmes qui prennent la parole, parce qu'il y en a, et il faut le souligner. Mais je pense qu'il pourrait y en avoir plus. Mais j'ai par exemple beaucoup d'amis qui ont des idées, qui veulent dire des choses, mais qui ont peur justement de cette idée de qu'on se fait de la femme hystérique qui va prendre la parole. Donc ça, c'est un problème que j'ai constaté en tant que personne de la Sérénité. Ensuite, pour mes expériences personnelles, parce que je ne vais pas non plus parler au nom de la commission, sachant que je suis toute seule là en plus, on a constaté quand même des violences physiques, de femmes qui se font harceler sur la place par des individus qui sont là souvent. Et on hésite encore sur comment gérer ça, parce qu'on ne peut pas vraiment exclure quelqu'un de la place, on n'est pas habilité à ça, on n'est pas la police, Dieu merci. On n'est pas la police, on n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit, mais je pense qu'il faudrait mettre une structure en place pour les victimes d'abord, mais aussi pour les agresseurs dans une optique, comment, j'ai oublié le mot, de justice réparatrice, c'est ça. Et il faudrait peut-être travailler, parce que du coup nous on reçoit les victimes qui sont parfois dévastées, enfin on a eu une femme qui s'est fait battre par un homme avec qui elle avait eu, bref on s'en fout, un homme qu'elle connaissait, un proche, et elle était totalement terrorisée parce qu'il la menace, il la suit sur la place, il la suit chez elle, donc à partir de là on sait pas trop quoi mettre en place. Je vais reprendre mon papier parce que je me perds un peu. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, il y a beaucoup d'hésitation à venir nous voir parce qu'on ne sait pas forcément. Enfin, on nous voit comme des personnes qui juste gardent l'ordre sur la place. On évite les vendeurs de bière, les mecs un peu trop, les personnes, pardon, un peu trop alcoolisées. Mais on ne sait pas qu'on est aussi là justement pour répondre à une demande. Enfin, une demande. Enfin, qu'on est là pour aider et pour soutenir les personnes qui se sentent menacées psychologiquement, physiquement, et je pense qu'il faudrait faire passer ce message-là auprès des autres commissions, donc on y travaille. Oui, alors il y a aussi je trouve ça assez chouette. C'est qu'au début, la commission sérénité, enfin accueil sérénité infirmerie était très masculine, parce qu'on voit que les personnes qui peuvent garder l'ordre doivent avoir des gros muscles, des gros bras, enfin une idée très viriliste de ce que peut être garder l'ordre sur une place. Et beaucoup de femmes se sont rajoutées au fur et à mesure, et à partir de là, donc, des femmes assez féministes, plusieurs de nos camarades hommes ont réussi à changer d'avis et à changer de vision sur les relations entre les hommes et les femmes et se rendre compte que ils doivent intervenir à certains moments où ils se seraient dit non, j'interviens pas parce que c'est pas de mon ressort et c'est pas ça que je suis censée faire sur la place. Enfin, je me rappelle d'un soir où il y avait un groupe de jeunes filles qui traversaient la place et il y a un homme qui a commencé à les suivre, à leur demander du feu, à les coller, à leur faire des avances. Et on connaît un peu comment les femmes réagissent, c'est-à-dire que quand on a discuté, on tourne le dos, on évite de répondre. Et ça, c'est quelque chose que les hommes ne voient pas et que les femmes peuvent voir. Donc je pense qu'il faut aussi sensibiliser la sérénité et les autres commissions et les personnes de la place à reconnaître une personne qui se sent en danger. Parce qu'au fond, tout le monde ne crie pas, tout le monde n'extériorise pas son sentiment d'insécurité. Mais pourtant, ça existe et il y a un langage corporel à décrypter. Et je suis allée voir ces filles. D'ailleurs, j'étais la seule fille du groupe. Je tournais avec plusieurs garçons. Ils m'ont fait « Mais pourquoi t'es partie ?» Cette jeune fille là-bas, elle n'était pas très bien. Et j'ai bien eu raison de m'inquiéter parce que le mec commençait vraiment à l'embrouiller. Donc, je pense vraiment qu'il faut sensibiliser, je vais pas dire les femmes aussi, mais surtout les hommes, parce qu'on est plus souvent victime de harcèlement de rue, de harcèlement sexuel, etc. De sensibiliser les hommes aux comportements masculins qui peuvent être dangereux et aux comportements féminins qui montrent que les femmes se sentent en danger. Et je crois que c'est à peu près tout. Après, moi, j'ai eu une très bonne expérience à la sérénité. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'ai vraiment envie de faire de cette place un espace safe pour tout le monde, un espace égalitaire, que ce soit vraiment horizontal, que tout le monde soit au même niveau. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on œuvre aussi, et ce serait bien que le message passe, parce qu'on peut avoir une vision un peu autoritariste de notre commission, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions. Bonjour, je suis Faridi Lamia, marocaine. J'ai une question. Je veux savoir la commission avec qui vous travaillez. Ça compose de qui et comment vous travaillez? Alors, il y a, enfin, de qui, c'est-à-dire, bah, c'est des gens, enfin, c'est des bénévoles de la place. C'est des gens qui ont entendu parler de la sérénité, qui ont voulu venir parce que l'idée et le manifeste qui avait été produit leur plaisait bien. Et donc, oui, pour notre la façon dont on travaille, donc on est avec l'infirmerie. On a une personne qui reste à l'infirmerie sur place pour coordonner toutes les équipes. Et après, en fonction des soirs, on a des plus ou moins grosses équipes. Ça peut aller de 2 personnes à 5 personnes. Et on fait des tours de place pour vérifier que tout se passe bien, pour vérifier qu'il n'y ait pas de bagarre qui dégénère. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas forcément quand il y a une bagarre, parce que souvent, il y a des copains pour gérer le truc. C'est nous vraiment quand ça dégénère. On est là aussi pour surveiller l'AG, le matériel, mais aussi les personnes dans l'AG. On est là aussi pour surveiller les vendeurs de bière. C'est le côté un peu ingrat de la tâche, parce que c'est nul pour eux, c'est nul pour nous de devoir leur dire de partir à chaque fois. Enfin, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais en gros, on est là, on tourne vraiment autour de la place, on est partout. On essaie d'être partout et de sécuriser ou de rendre l'espace plus ou moins sain pour tout le monde. Pour moi, je suis membre d'une association féminine à Agadir, le sud du Maroc. On défend les femmes battues et comme ça on travaille avec les cellules d'écoute. Ce que l'État a déjà fait, les cellules au niveau des tribunaux, au niveau de chez les polices, les gendarmes et aussi aux hôpitaux. Comme ça la femme battue, il peut avoir un certificat médical gratuitement. C'est comme ça on travaille toujours dans ces cellules. Je voudrais savoir ici comment vous pouvez travailler avec une femme. C'est parce que tout à l'heure j'ai déjà lu la violence contre les femmes et tout ça. Comment vous pouvez travailler avec les femmes battues une fois qu'ils vous téléphonent ou bien comment ils te contactent? Le moyen de te contacter. Alors nous on n'est pas, c'est-à-dire que nous on est vraiment quelque chose qui travaille sur la place. Alors après il y a des problèmes personnels extérieurs à la place qui se déplacent sur la place, ce qui nous concerne évidemment. Nous on parle avec les victimes, on fait un maximum, beaucoup d'entre nous sont sensibilisés à ces problématiques-là, donc on essaie d'avoir des propos safe et surtout de les rediriger vers des personnes qui vont être habilitées à les aider. Jure que nous, on ne peut rien faire, mais on va leur parler, on va les écouter, parce qu'elles ont besoin d'être écoutées, et ensuite, on va leur poser la question pour savoir si elles veulent, oui ou non, aller voir un avocat, aller voir un psychologue. On a les psychologues debout qui sont là 3-4 fois par semaine. On a aussi les avocats, et à partir de là, on parle avec elles, on leur demande ce qu'elles veulent, parce que c'est vraiment, enfin, une victime n'a pas forcément envie de porter plainte. On leur montre juste qu'elles ont plusieurs options, qu'elles ont le choix, et à partir de là, en fait, on va les rediriger. On est un peu le pivot entre l'acte violent et les poursuites qui peuvent y avoir derrière ça. J'ai une dernière question, si vous voulez bien. Je m'intéresse beaucoup, surtout pour les femmes marocaines qui résident en France, surtout à Paris. Comme ça, comme association, et je suis membre et aussi avocate de l'association, on a fait une convention avec une association à Nantes. C'est qu'on défend les femmes qui résident à Nantes. On fait une convention entre une association Solidarité Femmes à Nantes. Comme ça, on défend les femmes par le webcam. On les écoute par Internet, par le webcam. Est-ce que je peux vous donner mes contacts pour au moins élargir ce travail? C'est parce que je viens aujourd'hui de rentrer en Allemagne. C'est avec une association FIM, si tu le connais bien. FIM, Zahira? C'est qu'on vient de signer aussi une autre convention pour défendre les femmes qui habitent en Allemagne. Est-ce que je peux vous donner mes coordonnées aujourd'hui pour bien qu'on peut élargir la défense aux femmes victimes de violences, surtout les Marocaines qui résident en France? Merci. Je voudrais juste ajouter par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un objectif de convergence, vraiment. Donc à partir de là, s'il y a des gens qui sentent qu'ils peuvent nous apporter quelque chose sur cette problématique, il n'y a pas de souci, venez nous voir, discutez avec nous pour pouvoir en parler, parce qu'on veut, voilà, on veut élargir totalement. On ne voit pas forcément tout parce qu'on n'est pas tous concernés par un problème, et on veut vraiment que les personnes qui se sentent légitimes et qui veulent venir nous parler d'une problématique qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'est pas, concerné directement, qu'on vienne nous en parler, comme ça on saura vraiment apporter des réponses au plus grand nombre. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réactions, des prises de parole? Oui, Bertrand. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, des petits indices, juste pour être bien en alerte et pour reconnaître une situation quand ça se passe mal, et aussi sur la comment réagir et voilà comment être actif et vigilant à ce genre de choses. Alors, il me semble que la commission féministe avait mis en place un forum théâtre pour ce genre de problématique, mais je peux en parler rapidement. Donc, après, il y a énormément de comportements, donc ça ne va pas être exhaustif, et je pense qu'il y a autant de comportements qu'il y a de personnes, mais il y a des choses qui sont à peu près reconnaissables. Un homme qui va vouloir harceler une femme et vouloir lui parler alors que cette personne ne veut pas, souvent... La personne va avoir les bras croisés, va être prostrée, va pas forcément répondre. Après, il faut être assez près aussi. C'est pour ça que c'est vraiment, ça touche à du relationnel très proche. Donc, il faut avoir la tête à côté de ça pour pouvoir le constater. Après, si elle peut chercher quelqu'un du regard ou dire non, j'ai pas le temps, mais que la personne insiste, puis la suit, si vous remarquez ça, oui, là, il y a un problème. Et la meilleure des réactions, c'est d'aller voir la personne et de lui dire salut, comment ça va, etc. Comme si vous vous connaissiez, de la prendre un peu à part, de dire « Attends deux secondes, je discute avec ma pote » et de lui dire « Est-ce que tu te sens safe dans cette situation ?» Si elle te dit oui et qu'elle se sent capable de gérer, il ne faut pas insister, mais lui dire « Moi, je suis dans le coin, si jamais tu as un problème, tu peux aller voir la sérénité ou moi-même. » Et si la personne dit « Non, je ne me sens pas safe », l'éloigner de l'autre personne. Et faire attention qu'il n'ait pas un comportement violent, parce que souvent ça dégénère, parce que la frustration engendre souvent de la violence. Donc à partir de là, mettre la personne dans une situation safe, et si elle est avec des amis, qu'elle puisse retrouver son groupe d'amis et ce genre de choses. Après, il y a des comportements violents physiques, ça se voit. Donc là, je pense que la réaction est de prendre la victime à part, de discuter avec elle, de l'amener à l'infirmerie pour qu'elle puisse parler, pour discuter de voilà si elle a des violences, enfin si elle a des marques physiques, si elle est blessée, et même pour qu'elle puisse discuter avec nous et que nous on puisse la rediriger quelque part. Et voilà, c'est à peu près, en gros il y a deux types, il y a la violence physique et la violence verbale. Et aussi quand vous entendez une blague sexiste, quand vous êtes en groupe, ça peut paraître anodin, mais c'est jamais drôle. Et souvent, enfin, énormément de femmes sont victimes de violences sexuelles, de harcèlement, tous les jours. Donc ce genre de blague ne fait rire personne. Donc quand vous entendez ça, sans de suite aller attaquer la personne et aller à la confrontation, dire « Mec, ta blague, elle est pas drôle parce que ceci, cela. » Et parce que ça aussi, c'est une forme de violence qu'on reconnaît pas assez, je trouve. Et pourtant, ça peut faire très mal pour certaines personnes qui ont vécu des choses pas faciles. Entendre une blague sur le viol ou sur d'autres choses comme ça, c'est vraiment pas drôle. Donc voilà, essayer d'avoir une réaction safe en pensant que ça peut être très mal reçu et très mal vécu. Tout d'abord, bonjour tout le monde. On vous remercie pour cette rencontre, cette occasion-là. Je vois là, vous êtes un groupe, on dirait informel ou formel, c'est-à-dire forme association, ou c'est juste... On veut bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne, là, votre initiative, votre activité-là. Il s'agit de eux ou de nous? Enfin, c'est... De nuit debout en général. D'accord. Alors, je te laisse répondre pour... Mais alors nous, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est juste qu'on est une commission au sein de Nuit Debout qui est là en permanence, et on est une vraie commission qui se charge justement de la sérénité. Voilà. Pardon. Là, vous êtes là pour comment dirais-je, pour recevoir les gens qui se sentent harcelés, c'est ça? Non, je comprends. Alors, oui et non. Évidemment, si quelqu'un vient nous voir en nous disant je suis harcelé, on va recevoir la personne. On travaille avec l'infirmerie, donc on va parler avec cette personne et essayer justement de voir quelle solution on peut apporter à son problème. Mais on est aussi, on fait des tours de place en fait. On est vraiment là, on est sur toute la place pour vérifier que tout se passe et que les gens sont bien dans cet espace-là. C'est vraiment un espace sécurité, de sécurité, et un espace où tout le monde doit se sentir bien. C'est notre mission. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on veut pas reproduire un schéma extérieur à la place, entre guillemets, qui serait les femmes ont peur d'être dans la rue parce que c'est dangereux. Et c'est un fait. Et on veut déconstruire ça et en faire autre chose. Donc on est là pour ça. Pas que pour les femmes, on est là aussi pour les personnes qui peuvent se sentir agressées, pour les personnes psychotiques, pour les personnes qui boivent un peu trop, pour les personnes qui se droguent. On est là pour que ces personnes restent, je sais pas si je peux dire en bonne santé, mais en tout cas, restent bien dans un espace. Et dans... Voilà mes cartes visite. Ce qu'on a l'association Femmes du Sud, il a déjà deux centres d'écoute. Ce centre Sud, écoute orientation juridique femmes victimes de violences. Et l'autre, c'était pour. C'est un centre Sud femmes et enfants Ait Amira. Et aussi, c'est la carte visite. Ce qu'on a tout à l'heure, que j'ai parlé, l'association Femmes du Sud a déjà signé une convention avec Nantes. Ce sont deux associations sur Agadir qu'on a signé une convention avec. Voilà, les coordonnées tous. Au revoir. Super. Merci. Bonne continuation. D'accord, ok. Et quand on est drogué à Nuit Debout, on fait comment au bout d'un certain temps? Il y a une forme de non-violence dans la violence, de la non-violence? Non, mais il n'y a pas de question, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère qui est déjà très détendue. Pour rebondir là-dessus, moi j'avais aussi une question par rapport aux vendeurs de bière. Quelle est votre politique là-dessus? Enfin, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Parce qu'ils reviennent et ils sont là tous les soirs, ou presque. Comment en fait exactement, quels sont vos rapports avec eux? Est-ce que vous cherchez à limiter leur importance sur la place, ou est-ce que c'est seulement dans certains endroits? Enfin, voilà, comment vous gérez ça? Alors pour les vendeurs de bière, on essaie en fait de les tenir éloignés de l'AG parce que du coup ça gêne beaucoup le passage, etc. Puis quand ils crient pour appeler, souvent ça gêne les personnes qui veulent écouter ce qui se passe à l'AG. Donc en général on essaie de les mettre au niveau de l'accueil. C'est pas pour limiter les personnes qui consomment de l'alcool sur la place, parce qu'on n'est pas là pour vous dire si vous devez boire ou si vous devez pas boire, on a rien à vous dire. En revanche, la vente d'alcool est interdite on peut potentiellement se faire épingler parce qu'on a des vendeurs de bière un peu partout à ce niveau-là. En revanche, on les laisse faire leur business, ils ont le droit. Après, il y a deux catégories de vendeurs de bière. Il y a une catégorie qui exploite énormément leurs enfants. C'est tout un réseau, c'est très bien organisé. Et on les voit qui sont assez violents avec ce qu'ils considèrent comme leurs sous-fifres, qui sont des êtres humains, mais qui traitent extrêmement mal, notamment les femmes et les enfants. Donc là, on essaie de limiter en fait les problèmes, parce que si on demande à une, j'ai eu cette situation où il y avait une jeune fille qui vendait de la bière. Son chef s'est ramené et a commencé à la bousculer un peu. Donc elle s'est énervée contre nous. Quand il est parti, elle nous a expliqué que si elle ne s'énervait pas contre nous, après c'est elle qui allait prendre derrière. Donc c'est assez complexe à gérer. On essaie de limiter la casse et du coup d'avoir de bons rapports avec eux, assez amicaux, en leur disant bah écoutez les gars, ce soir on a du monde, donc il faudrait vous reculer un peu, mais voilà, on essaie de mettre vraiment tout le monde. On essaie vraiment de, parce que si on en laisse un, bah il y en a d'autres qui vont avancer et c'est normal. Mais du coup on veut juste en fait que on veut juste voilà laisser voilà l'espace pour les commissions et pour tout le monde, parce que quand ils s'installent devant des commissions ça peut gêner, quand ils s'installent à côté de l'AG ça peut gêner, quand ils passent dans l'AG, parce que ça arrive souvent, ça peut gêner aussi. Donc on veut vraiment en fait donner un endroit pour qu'ils puissent vendre leur bière tranquillement sans gêner personne et sans que nous ensuite on ait à leur dire tous les soirs et toutes les 30 minutes de se décaler, parce que c'est fatigant pour nous, c'est fatigant pour eux, et en plus ils perdent de l'argent et nous on perd du temps. Je sais pas si ça a été fait depuis, mais est-ce que le signe sexiste a été ajouté dans les symboles à l'AG? Ouais. Dans l'explication des symboles. Sur les panneaux, je n'en ai aucune idée. Je sais qu'il faut qu'on en discute. Il faut discuter avec beaucoup de choses avec ceux qui tiennent l'AG. Mais j'aimerais aussi, et là ça dérive un peu, mais j'aimerais bien que ce soit sexiste, mais aussi homophobe, raciste et ce genre de choses, parce qu'il y a énormément, enfin, il y a beaucoup de propos qui peuvent être très stigmatisants, alors qu'ils n'en ont pas l'air. Notamment, enfin, des fois, j'ai entendu un truc du style, et là, attention, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre une insulte homophobe, mais un truc du style. Et donc, je voulais juste terminer en disant, voilà, moi, j'ai entendu des trucs, oui, on n'est pas des PD. Et, enfin, je veux dire, qui dit ça? Enfin, on n'a pas besoin de enfin, je veux dire, oui, on est fort, mais c'est pas parce qu'on est fort qu'on a besoin de lancer ce genre d'insulte, parce que clairement, c'est une insulte. Et ça a beau vouloir galvaniser les gens, bah, je trouve ça ultra stigmatisant, parce qu'on est là dans un objectif de convergence. Je viens de dire l'insulte qui a été proférée. Oui, moi je voudrais juste intervenir là, parce qu'en fait c'est par rapport aux AG. Moi je suis pas trop dans les AG, donc je suis plutôt quelqu'un activiste avec ma guitare. Je vais essayer d'éveiller des consciences à ma façon. Hein. Je dis pas que j'ai la raison ultime. Par rapport aux AG, est-ce que tout vouloir réglementer par rapport à des gestes, c'est-à-dire par exemple sexisme, boum, on sort une sorte de baguette magique, ça risque pas de devenir trop liberticide? Moi la dernière fois je me suis retrouvé dans une AG. C'est pas une critique, hein, je suis à fond pour les AG, hein, c'est pas chacun ses convergences de lutte, c'est très, très bonne chose. Est-ce que je m'entends par là? Je me suis retrouvé face à une dame qui coupait la parole, qui n'écoutait rien, donc j'ai dû m'éloigner à un moment donné parce que j'arrivais pas à entendre le débat. Et cette personne-là, à un moment dit un truc pour simplement faire perdre du temps au meneur ou la meneuse de l'AG, et je lui ai fait comme ça. Je lui ai fait comme ça, dans ce sens, je t'aime bien, voilà, comme ça. Je me suis ramassé, oh, sexisme sur la tête. Et après, j'ai dit, bah, moi, je fais des bisous à tout le monde, quoi. Il n'y a aucun problème, quoi. Donc, est-ce que mon attitude était sexiste? Et je le pense pas. Et franchement, je suis vraiment super ouvert là-dessus. C'était dans l'idée de, bah, oui, je t'aime, moi aussi, quoi. Voilà, c'était dans ce sens-là. Oui, alors, ça peut partir d'une bonne intention, mais ben, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Et le fait est que quand on est confronté quotidiennement au sexisme, il y a des gestes à ne pas faire. C'est pas votre intention qu'on met en cause. C'est en revanche ce que la personne reçoit. Et la personne est légitime dans sa réaction. C'est-à-dire que si elle le vit mal et qu'elle dit qu'elle le vit mal, c'est un comportement à éviter. C'est avant tout à la personne concernée, je pense, de pouvoir dire là où est l'oppression, et pas justement au propos qui peut être ou non oppresseur. Oui, mais enfin, tu es en position de domination quand même. Dans les rapports hommes-femmes, je suis désolée, mais on va pas se mentir, on est dans une société patriarcale. Je veux dire, il y a... société patriarcale. Donc à partir de là, la personne oppressée va être légitime dans la définition de son oppression et pas l'inverse. C'est pas l'oppresseur qui va définir l'oppression. Sinon, ce serait trop facile. Donc si vous avez d'autres questions, je vous laisse la parole et j'en profite pour vous dire que tout le monde est bienvenu pour poser des questions une fois que l'intervenante a fini de parler. Donc moi j'assiste aux AG très régulièrement et je voulais dire que le signe sexiste, il est appliqué depuis plusieurs semaines, il est répété en début de chaque AG et il signifie contre le sexisme, l'intolérance et l'homophobie. Donc voilà, c'est pas un signe qui est resté sur le papier, il est vraiment couramment employé. Et je trouve ça vachement bien parce que rien que sur la féminisation des noms, par exemple, il est super important. Enfin, voilà, c'est vraiment un rite d'être rappelé parce que nous-mêmes, on se rend pas compte à quel point on est sexiste. Et le monsieur parlait tout à l'heure du bisou. Moi, je suis une fille, je prends souvent le métro. Ce signe-là, je l'entends et je peux garantir que je le prends pas bien et que je me sens agressée à chaque fois que je l'entends. Et donc oui, pour moi, c'est sexiste, même si ça part d'une bonne intention. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions, témoignages? Donc je rappelle qu'on discute des violences faites aux femmes sur la place avec Joséphine qui fait partie de Accueil et Sérénité. Tu veux conclure sinon ou tu veux... tout à l'heure, tu as parlé d'une charte. Je ne savais pas de quelle charte il s'agissait parce que je me perds un peu dans toutes les chartes. Il y a des chartes de chaque commission, il y a des chartes de l'AG, il y a une charte... Donc est-ce que tu pourrais dire peut-être deux mots là-dessus? Tu parles... Enfin... Alors moi, cette charte, je ne la connais pas par cœur. Je sais que je l'ai lue et que je l'ai approuvée. Voilà, c'est... Accueil, sérénité, infirmerie, donc prendre soin des gens, faire attention aux gens, respecter la parole de l'autre, rester serein, parce que c'est quelque chose dont on a besoin. C'est pas facile, surtout quand on a des problèmes récurrents avec certaines personnes. Donc il faut, voilà, c'est, il y a plusieurs items et il y a ces grandes choses-là, donc qui font un peu partie de toutes les commissions, à savoir respecter les autres, respecter la parole. Rester calme et à partir de là, voilà. Mais par contre, vous pouvez consulter la charte qui est disponible à l'infirmerie, donc qui sera montée vers 18h aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, passez chez nous et puis nous faire un petit coucou parce qu'on aime bien la visite et que souvent on a un coordinateur qui est tout seul sur la place, tout seul à gérer les autres équipes, donc ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont volontaires, on recrute. Il n'y a pas de formation spécifique. Enfin, vous allez venir et vous apprenez sur le tas avec nous. Et c'est assez enrichissant. Après, il faut se sentir de le faire aussi. Parce que en tant que personne faisant partie de la sérénité, par exemple, quand je vais calmer un conflit, des propos sexistes arrivent sur le tas. Et comme on est déjà en train de vouloir calmer un conflit, on ne peut pas essayer de sauver sa peau. C'est horrible à dire, c'est des concessions horribles à faire. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à le faire, et je les comprends totalement, parce que c'est inadmissible. Mais parfois, pour gérer un conflit, on est obligé d'en passer par des propos sexistes, parfois. Mais ça peut paraître anodin, mais oui, je vais me calmer pour tes beaux yeux. Bah non, tu vas te calmer parce que tu dois te calmer, c'est tout. Mais tu souris, tu dis, si tu te calmes pour mes beaux yeux, du moment que tu te calmes, ça va le faire, quoi. Mais après, on peut engager une discussion derrière avec la personne, une fois qu'elle est calmée, pour lui dire, tu sais, tes propos, c'est pas acceptable. Mais sachant qu'on est la sérénité et qu'on est là pour garder les choses safe, on peut pas toujours discuter avec tout le monde. Et tout le monde n'est pas toujours disponible. C'est-à-dire que quand on a une personne hostile face à soi, on n'a qu'une seule solution, c'est de laisser l'orage passer et de s'énerver après. Oui, d'ailleurs, à ce propos des tactiques, des petites tactiques pour gérer les situations de conflit psychologique, verbal, je veux dire, pas physique. Bon, j'imagine que chacun fait comme il peut en fonction de, du contexte et des moyens du bord, mais est-ce que vous avez une sorte de... Oui. Oui. Tu veux dire quelque chose ? Bon, c'est bon. Il a l'air de partir, c'est bon, il est parti. Voilà un exemple typique, hein. Vous auriez pu, tu aurais pu te retrouver à intervenir. Et ouais, donc est-ce que vous avez une sorte de petit, je vais pas dire un guide, mais des petits principes de base pour faire une désescalade. Et donc, parce que tu disais là des exemples, par exemple, voilà, de rentrer un peu dans son jeu, mais pas trop. Peut-être des fois de prendre les choses avec un peu d'humour, et en même temps, des fois, c'est vraiment pas drôle. Alors, comment, voilà, est-ce que vous vous êtes concerté là-dessus, ou est-ce que c'est chacun gère comme il peut? Y a des techniques qui sont mises en place parce qu'il y a des personnes qui sont plus aguerries que d'autres. Moi, je suis jeune, je ne sais pas grand-chose sur... Enfin, j'en ai appris, mais j'ai des choses encore à apprendre. J'ai des personnes plus âgées avec moi qui ont l'habitude de gérer des conflits parce qu'elles font un métier qui fait que ça leur arrive tous les jours de devoir gérer ce genre de conflit. Après, oui, il y a des techniques. C'est-à-dire que si vous voyez un mec qui court avec un tesson de bouteille après quelqu'un d'autre, il faut marcher et se mettre juste sur le chemin de la personne. La personne va vous rentrer dedans. Oh pardon, je vous avais pas vu. Et de suite, l'attention va plus se focaliser sur la personne qu'il avait envie de crever, mais sur soi. Et ensuite, à partir de là, non, pas tant que ça. Enfin, quand... Oui, les tessons, c'est dangereux pour l'autre, mais sachant que c'est pas toi qu'il a envie de planter de prime abord, normalement, ça devrait aller. Et sinon, oui, essayez de s'interposer, de séparer, et de garder un contact visuel avec la personne avec qui on parle pour monopoliser son attention, parler doucement, lentement, avec une voix assez basse, ce qui va faire que la personne va être obligée de se concentrer et du coup va oublier totalement pourquoi elle était énervée et pourquoi elle avait envie de frapper l'autre. Et voilà, c'est quelques petites techniques, il y en a d'autres, ça dépend des situations, ça dépend des personnes, mais voilà, c'en est une, deux parmi d'autres. Bonjour. Nous parlons avec les agressions et tout. Et ces trois qu'ils parlaient, les garçons que je ne comprends beaucoup, et ces trois garçons qui sont arrêtés. C'est le premier qui dit je ne sais pas, le second et le treizième, c'est il. Donc, c'est la pareille situation, je pense. Vous me comprenez ce que je voulais dire? Nous, si la situation, nous sommes critiqués la situation sexiste, homophobe, ça. Donc le garçon qui s'est venu s'est arrêté par un garçon, après s'est arrêté par le second garçon, elle voulait parler, n'est pas arrêté, et le treizième, c'est le 10 garçon qui l'a arrêté. Donc, je pense que c'est la même situation et nous la regardons tout de suite à ça. C'est vrai, on a eu comme un cas pratique là, vraiment. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous envisagez faire comme ça des, pas dire des formations, mais un peu des petits ateliers pratiques comme ça, enfin, peut-être avec la commission féministe aussi, mais de choses pour. Voilà, pour apprendre aux gens justement à gérer ces situations-là et pour qu'ensuite eux-mêmes puissent, tu vois, transmettre. Alors moi, je pense que la commission féministe est totalement apte à gérer ça, puisque les femmes savent elles-mêmes quelles sont les situations et souvent comment elles ont réagi dans ces situations et quelles sont les attitudes à avoir. Donc après, je sais pas si ça s'est concrétisé de forum théâtre. J'y étais pas. C'est une initiative dont on m'a parlé que j'ai trouvé très intéressante pour réagir justement en phase d'agression sexiste. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce genre de situation. Enfin, vous pouvez discuter avec nous parce qu'on peut vous en parler, mais aussi aller discuter avec la commission féministe qui fait un boulot génial. Et les féministes sur cette place sont vraiment incroyables. Et je pense que elles seront vraiment aptes, parce que là, je traverse le problème vraiment à la surface, parce qu'il y a énormément de choses à creuser. Et pour avoir de vraies discussions, je pense qu'il faut aller dans les, voilà, dans les commissions féministes, dans leurs discussions. Et je pense que ça peut réellement être bénéfique, parce qu'on apprend énormément de choses. Et souvent, quand on est un homme, et même parfois quand on est une femme, mais plus rarement, on se rend pas compte à quel point certaines choses, certains actes, certaines paroles peuvent être graves. Et c'est justement en écoutant des paroles de concernés qu'à partir de là, ça devient, ça entre en fait. Et ça s'est passé chez nous à la Sérénité, puisqu'on a plusieurs femmes qui sont arrivées et ça a commencé à transformer un peu les mentalités, si je peux dire. Et je pense vraiment, enfin, il faut aller à la commission féministe parce que c'est d'une réelle utilité, réelle. Voilà. Est-ce que les... Alors, je les ai vus il y a... Je crois que j'ai aperçu un regroupement, c'était il y a deux semaines et demie. Mais ça fait longtemps qu'on les voit plus trop. Je pense qu'elles vont revenir. Je sais pas. Non. Et dans ce cas-là, venez parler à la Sérène, parce qu'on a des féministes à la Sérène aussi, voilà. Si elles reviennent pas, essayez de discuter avec des gens de la Sérène ou de vous orienter vers des personnes qui peuvent être féministes. Enfin, je suis là, j'en parle de manière très très vague et très sommaire, mais si jamais vous voulez discuter de quelque chose par rapport à ça, je suis là. J'écoute et j'aime la discussion. Donc il n'y a pas de souci. Oui, de manière générale, il y a eu beaucoup moins de réunions la semaine dernière à cause de la pluie, mais ça va sûrement reprendre la semaine qui vient. La commission féministe est censée se réunir ce soir, en fait. C'est marqué dans l'agenda Nuit Debout. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. À 18h. Et je suppose, si c'est comme d'habitude, il y aura une commission non mixte à 18h et mixte à 20h. Voilà. Merci beaucoup.